là, nous besoin prier Allah subhanahu wa ta'ala, nous prier lui directement. Tout le monde qui a besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par un saint, il passe par une loi, il passe par un autre monde, n'importe qui bagaille, ou il passe par un tombe, ou il passe par un prophète ou un ange, il commet ça qui est le shirk, c'est-à-dire il associé avec Allah subhanahu wa ta'ala un bagaille dans l'adoration, et ça veut dire qu'il a quitté la foi, il vient idolâtre. Ils ont commencé à faire shirk et donc ils n'ont pas considéré tant que croyants. Là, ils ont fait bagaille ça. C'est peut-être ça. Mon cap suivre vaudouisant ou mon cap suivre chrétien, mon cap prier Jésus, hein, ils ont prié Jésus, ils ont prié Marie, ils ont prié Jésus, ils ont croit que Jésus soit intercesseur ou intermédiaire entre eux-mêmes et Allah se prend à un. Non. Jésus pas dit nous, priez pas un être humain. Allah se prend à un, a dit, Jésus t'a dit, hein, de prier Dieu directement. Et ça, c'est le premier commandement que Allah t'a révélé, pas gain l'autre Dieu avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et troisième catégorie, tawhid, c'est tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire, faut nous unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans attributs et dans nos lieux que l'été by lui-même, l'été by lui, même, l'été by lui, dans le Coran, les libaïs, peut-être les noms, il faut nous accepter et il faut nous croire dans nos ça et il faut nous comprendre. Hein? Comme par exemple, Al-Aziz, le Tout-Puissant, Al-Hakim, le Sage, Al-Qadir, hein? Le Tout-Puissant, Al-Sami', celui qui tend de toutes bagailles, Al-Alim, celui qui connaît toutes bagailles, c'est lui-même. Hein? Et donc, il y a un pile attribut comme ça, il y a un pile non, hein. Et il faut nous croire dans ça, dans nos saillots. Il y a 99 non. Et attribut, il y a un pile tout, il faut nous croire dans l'attribut. Même j'en ai ça nous sort expliqué. Donc, là, nous finissons expliquer ça qui est en rapport avec premier pilier de la foi, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, ensuite, Cheikh l'a commencé par les deux, deuxième pilier de l'islam. C'est-à-dire la foi en les anges. Al-imanu bil-mala'ika. Amma al-imanu bil-mala'ika, fayatadammanu al-imanu bihim ijmalan wa tafsilan. Fayu'minu al-muslim bi-anna lillahi mala'ika, bi-anna lillahi mala'ikatan khalaqahum li-ta'atih, wa wasafahum bi-annahum ibadun mukramun, la yasbiqunahu bil-qawli, wa hum bi-amrihi ya'malun. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وهم أصناف كثيرة. Donc ça, Cheikh l'a dit. Ici, il dit que et faut nous croire dans les anges, dans angiaux. Et ça, ça implique que nous croyons dans angiaux d'une façon générale et d'une façon détaillée. Hein? Donc le musulman pour lui croire que Allah subhanahu wa ta'ala les gains anges que lui créer pour obéissance lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit ange ça yo et il le décrit yo dans verset dans sourate Al-Anbiya les prophètes le verset 26 27 et 28 il dit que ange c'est serviteur honoré de Allah subhanahu wa ta'ala yo pas jamais précédé lui de par en parole. Et il agit selon ordre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il pas dit en parole, excepté Allah subhanahu wa ta'ala te permettre yo pour yo dire parole ça. Et il pas précédé commandement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il pas jamais fait un bagage, excepté que c'est Allah qui ordonnait yo. Hein? C'est Allah qui ordonnait yo fait bagage ça. C'est-à-dire, il pas qu'à faire rien sans permission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces créatures obéissantes, ils ont pas jamais désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui connaît ça qui est devant eux, ça qui est dans le dos. Et, c'est-à-dire, ça qui est devant, ça qui est derrière eux dans l'avenir et dans le passé. Et, ils ont pas qu'à intercéder pour au monde, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala était agréé personne ça, était satisfait de Moussa.